Grammaire. Le présent des verbes en ER et les pronoms personnels sujet. Page 20. Observez et écoutez la conjugaison de ces verbes.